Chapitre 13 Où les deux larrons descendent de croix. L'assemblée était tellement émue que nul ne pensait plus à Ganelon et à Lupus. Ce fut Pinabel, le neveu du comte de Mayence, qui le premier se les rappela. Il s'approcha de Charlemagne, lui demanda s'il ne convenait pas de secourir les deux pendus et s'il voulait bien lui confier ce soin. « C'est Roland que cela regarde, » dit le roi. « Il les a délivrés, c'est à lui qu'ils appartiennent. Mon neveu, allez donc dénicher ces deux héros qui font là-bas triste figure. Vous jugerez sans doute à propos de leur donner la volée. » Roland causait avec Aude. Cette interruption le contraria. Il se dirigea cependant vers la chapelle, mais il y arriva de fort méchante humeur. « Il est vraiment cruel, dit-il à Ganelon, d'être dérangé à chaque instant de la sorte pour des gens qui vous savent mauvais gré du bien qu'on leur fait. Quand on n'est pas de force à soutenir une aventure, on ne s'y expose pas. Voilà deux fois, sans reproche, que je vous décroche sur le chemin. Pour l'amour de Dieu, ne compromettez pas ainsi le nom français à la légère. Songez que vous n'êtes pas seul à le porter et que je ne serai pas toujours là sur vos talons pour réparer vos fautes. » Et sans attendre davantage, ayant remis les pendus sur pied, Roland retourna auprès de la belle Aude. « Ah ça ! Dit Lupus à Ganelon, vous sentez-vous d'humeur à digérer toutes ces insolences ? Il me semble, seigneur duc, que vous en avez votre part et que vous vous en accommodez à merveille. Il serait temps d'en finir. Qui vous retient ? Dit le comte avec un sourire. Les mêmes raisons qui vous font patienter. Ce Roland est un brutal et... » Mais les badauds se groupaient autour des deux vaincus et ne leur épargnaient pas les railleries. Ne voulant pas continuer à faire les frais de la gaieté publique, ils prirent le parti de la retraite et rentrèrent sous leur tente, où ils passèrent la nuit à former des projets fort peu catholiques, bien que prenant naissance dans des cerveaux chrétiens.